Les passagers à destination de Paris sont priés de se rendre à la salle d'embarquement. Que mi papá fue a mí.